Éprouvette éprouvante, pour nuit de Chine j'imagine, Kamasutra sous bras, celle qui sera plus habile, abîme s'anime d'ombre de Chine. Source volcanique commence la course folle, des petits bolides qui rêveraient du vol, allez direct en une vie trop malheureux frère, sort se piquera la mort, mais au tirage au sort, c'est toi qui seras le plus fort, c'est démocratique. Ventre rond ce ballon, d'hélium emmène ce bonhomme, au pays des lutins, lutin malin pour la vie, police ton corps jusqu'à police. Rivière souterraine dégringole comme une folle, emportant sur elle tous ces milliers de trolls qui ont su cajoler tes jolies. Joue pas les sorcières en te changeant la face, la nuit je devine dessous ta carapace qu'Halloween se débine. Mère kangourou s'émerveille de son coffre à bijoux, père hippo comme ne campe jamais loin de son igloo. Sésame, notre graine chasse nos bigraines, c'est Ali Papa qui a perdu la clé de ce bout de trésor qu'il avait camouflé. Mais numéro de prestidigitation d'un nouvel arbre, génération magique, entre nos planètes accordons nos oreillettes direct sur Interfaite. Pleine lune importune, notre dernière nuit sans fortune, loup-garou rendez-vous au box des nouveaux-nés, Carabosse, Kaline, Tsung, Doukalis. Des mille et une nuits que nous passions esquisses, prises en flagrant délice, sommes condamnés pour la vie à rendre heureux cette délicieuse tête à la folie, ta vie sèche, ton cœur s'agitère, plutôt la guerre sur terre, c'est ta conviction, mille félicitations. Tête à la folie, ta vie sèche, ton cœur s'agitère, plutôt la guerre sur terre, c'est ta conviction, mille félicitations.